oui, alors forme aujourd'hui. Attends, hein. Pleine forme, justement. Alors oui, on a eu droit à un bon mix de réalisé. Enfin, la semaine dernière, c'était deux heures de mix. La première partie était une rediffusion et la deuxième partie était un mix exprès. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'était tout simplement le nouvel an chinois. J'ai envie de dire bonne année, parce que. Alors, c'est l'année sous quel signe? C'est pas le chien. Non, je ne sais plus. Je crois que c'est ça, mais pour moi, on peut ça à la limite, c'est un détail. Non, par contre, j'ai vu des lions, j'ai vu des trucs complètement bien sympathiques, improbables, en tout cas. Bon, et, j'ai même mangé, j'ai bu un truc à base d'algues. Enfin, vraiment, nouvel an à fond. C'est peut-être pour ça que t'es blanc aujourd'hui. C'est un peu ça, ouais. Un peu palo, un peu vert, non? Non. Alors, donc, on va parler d'autre chose. On va parler un petit peu de musique. Et puis, on va parler de ce que tu nous as programmé là sur. Oui, on va commencer très fort avec un duo français qui s'appelle The Blaze. Yes. Bon, j'ai eu justement des amis géniaux qui m'ont offert l'album. Hein. Je remercie Martin qui m'a fait ce présent au travail. Donc, je lui fais honneur justement avec le titre Juvénile. C'est un EP sorti en 2017, l'année dernière. Il a juste 6 mois, il est tout frais. Ouais. Et il a la prog également de la radio. On se le met un petit peu dans l'ambiance là. Donc, intro un peu au piano, c'est ça? Oui, bah c'est un duo français qui font ce qu'on appelle de l'électro-cinématographique. Allez, on s'écoute ça. Bon week-end à la Galaxie. Les oreilles. La voix la plus directe vers l'esprit. on repart un petit peu dans la new disco, d'une disco électro avec Tiger and Woods, le Chili Deep qui est sorti il y a moins de 2 semaines, en février. Ton titre, soit je sais pas trop, c'était une nouveauté, c'était Blaze, hein, tu m'avais dit. C'était The Blaze, oui. Ouais, donc alors comme j'explique un petit peu souvent dans cette antenne, c'est qu'on a beaucoup de news dans cette émission, on ressort un petit peu des titres phares, effectivement. Et les news, on va avoir droit à une bonne sélection tout à l'heure à partir de 20h30. Mais jusque là, d'ici là, on va s'écouter un bon mélange, un peu de rétro même, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, bah. Je me suis fait plaisir, j'ai ramené une petite collection de vinyles justement. Ah oui, ok, parfait, ok. Allez, là, on s'écoute Tiger and Woods. Voilà, donc c'était Tigers and Woods, Chili Deep, un titre un petit peu original dans les samples, je trouve que c'est un peu rigolo. Et, oui. Ça, justement, en plus, c'est de bon augure avec le soleil, je sais qu'il fait froid, mais bon. Oui, quand même, le soleil, mais. Bon, là, il n'y en a plus, mais il revient demain. Ouais, effectivement. T'es optimiste hein, quand même. Ouais. Donc là, on va repartir sur un autre type de... Oui, bah on va repartir sur un classique. Hein. J'ai ramené pas mal de funky disco et également un peu de techno pour la fin de cette première partie. Alors là, c'est le fameux Mirror Dance d'Akufu, remixé par Yoruba Soul. Galaxy. La musique électronique a une âme. Chut. Écoutez. Écoutez. Écoutez. Elle va parler. Elle va parler. Of a dance revolution, the sons and daughters of off-balance walks and distorted body rhythms. We are a footstep generation, a generation that defeated journeys of oppression through acrobatic expression, when the tongues of freedom had conversations with the body languages of Angolan regional. So how you like me now? Cause we are the soul clapping for the souls that are still dancing, that refuse to forget us, that let us relive history through dance floor circles, circulating the cycle of life. We were the light at the other end of Harriet's tunnel, the forefathers of seven moons before moonwalking got jacked, son, before electric boogaloo gave you the shock, son, before the sons of war marched in rhythms of foot patrol towards the sun and shook the earth before rocks could be steady. We're the sons and daughters who were ready to conquer a nation of magnetic injustices through this movement. Cause every time our bodies moved, it meant we were gonna do something, prove something can change through the rhythms of our past. Rhythms of saoko, rumba, salsa, matanza, fania, bachata, jazz, tapping, chanting, clapping, afro-drumming, jazz, bebop, hip-hop to up-rock and pop and lock, and it don't stop, so come on, jazz. And we are the sons and daughters of a dance revolution revolving over lost shadows of freedom, and we shall overcome someday. But until that day, we pray for the slaves that sleep. We are a nation dancing under the spirits of moonlight that gather like the Mayans who broke bread to break beats like we kids back in 88 did. A nation that came to beat street from the avenues of defeat, break dancing through the impossible to eat. The fruits of labor never tasted so sweet. We had Buddhist monks challenge the Egyptians to b-boy battles, and had Gandhi tagging up graffiti in the bathroom from walls of the club, where he left messages to the dancers and the DJs to tell the people that you may be black, you may be white, you may be Jew or Gentile, but it never made a difference in our house, cause our house has connected across nations in 360 degree ciphers where, quote, yo, let me get up in that circle, son, so I can sweat out the stress for the week in the name of kingdoms to come. I am the son of sun, moving in parallel rhythms to the drum, expanding pores into time portals. So every time I sweat, you can see the reflection of my ancestors on my bare skin. You and I can win this battle against capitalist oppression. All we gotta do is just move to the music, groove to this music, feel this music in your bone marrow, with Cupid's arrow stuck in your hip bone now. Fall in love with us and mention us in your prayers at night. We were dancing religiously in hopes to take flight in the mouth of heaven, and in the process we swallowed our own pride while bouncers checked our IDs. We checked our egos without the E so that we can just go. Cause $10 at the door was never gonna stop us from hitting the dance floor. Whether you was black, white, Jew or Gentile, it never made a difference in our house. And this is what makes it fresh. And this is refresh. Bon bah ça fait du bien d'entendre ce tube qui a pendant presque 10 ans et qui a été remasterisé et réédité en vinyle sur le label Defected. Exactement, donc voilà, un petit vinyle en plus en version vinyle, ça fait plaisir de l'entendre. Bon, c'était le Mirror Dance avec le remix de Yoruba Soul. Alors donc là cette fois-ci on va s'orienter en 95 avec l'ami Jeff Mills, un bon standard Jeff Mills, un titre que je vous laisse découvrir. Vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir, ça va craquer un petit peu aussi, un peu comme à l'époque. Galaxy, save the rhythm. Bien sûr, Galaxy avec ce bon vieux Jeff Mills de 95. J'aime bien cette petite période B2B, début d'émission qu'on a. Alors, je mets un morceau, là, c'est une rétro. C'est ensuite toi, enfin moi, c'est le B2B, c'est sûr, B2B on radio. Plaisir, hein. Et donc, tu m'as préparé. Alors, si je mets ça. Un morceau culte de 2007, fameux Victor Casanova d'Italo Boys. Ok. Issu du label Mothership. Alors pour la petite histoire, c'est un pêcheur de Noirmoutier qui m'a revendu ce vinyle et j'étais très heureux justement de pouvoir le rajouter à ma collection. Ouais, on entend bien un peu l'ambiance des moules. Il pêchait la moule ? Non, je passe. Thank you. caricias, después locura de la pasión. Después locura de la pasión. Ay, yo, donde las rosas crecen, el amor comenzó y fueron besos dulce caricias. Después locura de la pasión. C'est un morceau qui buque, qui envoie sévère. Ouais, une ambiance un peu curieuse aussi. Hein. Alors, on va repartir. Je dis curieuse avec festif. Ouais, tu vois ta tête, tu fais une petite grimace. Quoi, assez curieuse pointu. Non, pas pointu, mais l'ambiance. Je sais pas, on était. Allez. Je sais pas, c'est comme tu me parlais de pêcheur et de pêche à la moule. Je pense que c'est un petit peu dans le même esprit, effectivement. Et là, on va repartir sur toute autre chose. Un Mark Romboy. Et Stéphane Bonzin, le bon vieux Atlas que vous connaissez sûrement sur Galaxy.

Voilà, vous êtes bien sûr Galaxy, 20h36 minutes. On s'écoute cette fois-ci le mix La Source, les sélections news de la semaine. Excellent week-end avec Galaxy. Galaxy, music for happy people. We'll be right back. thing.